Section 3. Chapitre 3. Depuis assez longtemps déjà, le char à banc avait dépassé le poteau rouge et quitté la route de la Roche-Bernard pour celle de Sarzeau, qui côtoie le rivage du Morbihan, dentelé comme une feuille de vigne. Les hasards du chemin ouvraient des échappées de vue sur les nombreux îlots de cette petite mer. La marée allait bientôt atteindre son plein, et çà et là, ces îlots, grands et petits, émergeaient de l'eau bourbeuse, verdoyante ou noirâtre, selon qu'ils étaient couverts de terres végétales ou simplement formés de granit dénudés. Entre leurs bords frangés d'une écume jaune passaient des barques qui, les voiles déployées, filaient rapidement, poussées par la brise du large et entraînées par le courant de la mer montante. Tout au loin, dans l'ouest, à l'horizon, on apercevait un long cordon de fumée qui se déroulait au-dessus des îles et traçait dans le ciel gris la route du vapeur dorée. Pendant longtemps, M. de la Hérodière se tint tourné du côté de la mer, comme s'il prenait un intérêt extrême à suivre ce spectacle mouvant. Surprise de ce silence, Charlotte leva les yeux sur lui, mais en voyant son regard qui restait fixe, perdu dans l'espace, tandis que ses lèvres s'agitaient machinalement sans articuler un seul mot, elle comprit que, plongé dans sa pensée intérieure, il était insensible à ce qui se passait autour de lui. Et si impatiente, si anxieuse qu'elle fût d'apprendre ce qu'il allait lui dire, elle n'osa troubler sa réflexion. Enfin, il rompit ce silence. « Tu me vois bien perplexe, dit-il, et tout à fait mal à l'aise pour te parler de Georges. Je suis obligé de le juger comme s'il était un étranger, et je ne puis oublier qu'il est le fils de la sœur de ta mère, et de plus ton ami, ton camarade d'enfance. Jusqu'où va cette amitié? C'est là ce qui m'inquiète. Mais, père, je ne t'interroge pas, je m'interroge moi-même, car je ne veux pas que tu me parles de Georges avant que je ne t'aie dit tout ce que j'ai à t'en dire. Je n'aurai plus ma liberté de parole, je n'aurai même plus ma liberté d'appréciation, si j'étais influencée par toi, et cette liberté, il me la faut entière. Et moi, quelle liberté me restera-t-il quand tu m'auras parlé? Si j'étais un père comme beaucoup d'autres, je te répondrais, il te restera à obéir. Mais comme je n'ai pas l'habitude d'employer ce mot avec toi, et je ne veux pas commencer aujourd'hui, ma méthode pour t'élever et t'instruire n'a pas été de faire appel à l'obéissance. Je me suis adressé à ton intelligence, à ta raison ou à ton cœur, et je m'en suis toujours bien trouvé. Je ne veux pas changer maintenant. C'est une conviction que je désire t'imposer, ce n'est pas une volonté. Je t'écoute, père. Je n'ai pas besoin de te rappeler, n'est-ce pas, comment Georges s'est trouvé placé sous ma direction. Son père, qui avait perdu sa femme, sœur de ta mère, à son lit de couche, venait de mourir. Monsieur Saffarel laissait des affaires très embarrassées, et lorsque son étude d'avoué à la cour fut vendue, il ne se trouva que le nécessaire pour payer ses créanciers. Georges restait orphelin de père et de mère, et il était sans fortune. Il avait alors 10 ans, et tu en avais 2. Mon devoir m'imposait l'obligation de me charger de ce pauvre enfant. Je le pris chez moi. C'est ainsi que tes premiers souvenirs peuvent te rappeler un grand garçon qui jouait avec toi dans notre jardin d'Orléans le jeudi et le dimanche. Je le vois encore avec son képi, sa tunique et ses bras bleus chinés. C'est que tu le vois en collégien. Tu étais trop jeune, en effet, pour remarquer son entrée à la maison. Tout d'abord, j'avais voulu le garder près de nous et faire son éducation, comme j'aurais fait celle de mon fils, si j'en avais eu un, ne l'envoyant au collège que comme externe pour suivre les cours. Il me semblait que cet enfant, n'ayant plus ni père ni mère, avait plus qu'un autre besoin des soins et de la tendresse de la famille. Par ailleurs, Georges n'était point un caractère qu'on pouvait conduire par la douceur ou la persuasion. Et je ne l'avais pas depuis 15 jours qu'il me fit cette réponse remarquable chez un gamin de 10 ans. Au collège, j'obéis parce qu'il y a des pensums. Plus tard, j'obéirai parce qu'il y a des lois, des juges et des gendarmes. Mais avec les parents, non. Je fus un moment abasourdi, puis, comme je ne pouvais me résigner à employer les punitions et les claques, je renonçai à m'occuper de Georges et le mis au collège. Il faut dire que cela ne se fit pas sans une certaine difficulté. Ta mère, parmi ses qualités, avait porté au plus haut degré celle du sentiment de la famille, et surtout de sa famille. Ce qui était son sang était pour elle l'objet d'un véritable fétichisme. Moins timorée que moi à l'égard des punitions, et ne se faisant nul scrupule de tirer les oreilles de son neveu ou de lui administrer de vertus réprimandes, elle ne voulut pas entendre raison lorsque je parlais du collège, et me reprocha de vouloir m'en débarrasser, parce qu'il n'était pas mon fils. Je répliquai que si Georges était mon fils, il aurait un caractère qui n'exigerait pas le bâton de correction que j'étais incapable de manier. Et je te citai comme exemple, à l'appui de mon dire, car déjà tu étais une bonne petite fille, facile et docile. Enfin, Georges partit pour le collège. Et il fut puni beaucoup ? Très peu, car sachant qu'il devait obéir, il se plia à l'obéissance. C'est là un des côtés de ce caractère sur lequel j'appelle ton attention. Libre, Georges n'eut agi qu'à sa tête, et la crainte de me peiner ne l'eût pas plus retenu de mal faire que le désir de me contenter ne l'eût engagé à bien faire. Il lui fallait une volonté supérieure qui le soumit. Il la trouva dans la règle du collège et l'accepta sans révolte. Intelligent, orgueilleux, excité par le désir de primer, il fut un bon élève, ou plus justement un brillant élève, car pour bon c'est autre chose. Enfin, il fut toujours un des premiers de sa classe et obtint de beaux succès. Tu dois te souvenir des couronnes qu'il rapportait à la maison. Je me souviens même des volumes qui étaient frappés d'un timbre doré sur le plat. Ta mère, qui était fière de ses succès, ne voulut pas qu'il achevât ses études à Orléans. Elle désira qu'il allât à Paris pour trouver un théâtre digne de sa gloire. Il entra à Louis-le-Grand pour faire sa rhétorique. Je n'ai pas à te rappeler ses prix au concours. Cela n'a rien à faire dans les observations que je te présente, et je serai toujours le premier à reconnaître qu'il a su travailler. À l'école de droit, il fut ce qu'il avait été au collège. Il travailla d'une façon remarquable, et je dois dire qu'il ne fit aucune des folies qu'on a souvent à reprocher aux jeunes gens de son âge. De ce côté encore, je lui rends pleine justice. À 24 ans, il revint à la maison. Qu'allait-il faire ? De fortune, il n'en avait aucune. Et son seul avoir consistait dans son titre de docteur en droit, et aussi, il ne faut pas l'oublier, dans sa volonté d'arriver, volonté qui était ardente et forte. Je désirais qu'il s'établît à Orléans, où, par ma position, je pouvais le servir. Directeur de l'enregistrement et des domaines, j'étais naturellement en relation avec tous les officiers ministériels de la ville. Et par là, il m'était possible de l'aider à se créer un cabinet. Il pourrait, en peu de temps, devenir un avocat occupé. Mais les petites affaires et la vie modérée de la province n'étaient point pour lui convenir. Il avait de plus hautes visées. Il était ambitieux et voulait la première place dans sa vie d'homme, comme il l'avait voulu dans sa vie de collégien. Bien souvent, j'avais tâché de combattre en lui cette maladie de l'ambition qui l'avait envahi de bonheur. Mais je n'avais pas réussi. D'ailleurs, il faut dire que s'il avait trouvé en moi une volonté hostile à la sienne, il en avait trouvé une favorable dans ta mère. Ta mère, elle aussi, était ambitieuse, et malheureusement pour elle, je n'avais point été l'homme qu'il aurait fallu pour réaliser ses aspirations. Jetée dans l'administration plutôt par hasard que par vocation, y restant plutôt par devoir que par goût, et seulement pour assurer la vie matérielle de ma famille, j'avais mis toutes mes espérances et toutes mes satisfactions dans l'étude de la science. Un bonhomme de mari qui se passionne pour la botanique, la géologie, la paléontologie, l'ethnologie, et autre science n'est guère fait pour rendre heureuse une femme ambitieuse. Et je conviens que par mon apathie à l'endroit des positions que je pouvais obtenir, ou tout au moins demander, j'ai imposé un long martyre à ta pauvre mère. Je le regrette cruellement, car le mariage est une association dans laquelle chaque époux doit avoir pour souci le bonheur de son associé. Mais enfin, j'étais tellement impropre à la sollicitation aussi bien qu'à l'intrigue, et c'est là mon excuse. Au reste, c'est là, je l'espère, le seul chagrin que pendant une union de 20 années, j'ai causé à ta mère. Au moins, c'est le seul qui, à l'heure présente, charge ma conscience. Car il est malheureusement trop vrai que je n'ai pas fait tout ce que je pouvais pour le lui éviter. Monsieur de la Hérodière s'arrêta un moment, la voix émue, mais bientôt il reprit. Si à la place d'une fille, nous avions eu un fils, ta mère aurait pu se consoler de ses déceptions ambitieuses et reporter sur lui ses espérances. Son neveu Georges remplaça ce fils et elle combina un projet qui, réussissant, devait réaliser ses rêves. Ce projet que tu n'as jamais connu, au moins dans son entier, car je me suis opposée à ce qu'il te fût expliqué, le voici tel que ta mère le trouva. Par tous les moyens en notre pouvoir, argent, relations, influence, nous aidions Georges à faire son chemin à Paris. Et plus tard, lorsqu'il était en bonne route, il devenait ton mari. Ainsi, ta mère assurait l'avenir de son neveu, assurait le tien et jouissait enfin dans son gendre et dans sa fille des joies que je n'avais pas su ou n'avais pas voulu lui donner. Tu vois que tout cela était savamment combiné. Cependant, il y avait bien de mauvaises choses dans ce beau projet, et la principale était qu'il avait été arrangé en négligeant ton consentement et le mien. « Oh, mon consentement !» interrompit Charlotte. « À mon âge ?»« Il est vrai que tu n'avais que 13 ans, et je conviens qu'il était assez difficile de te demander si 5 ou 6 ans plus tard tu voudrais devenir la femme de ton cousin Georges. Tout ce que tu aurais pu répondre, je crois, c'est que pour le moment tu avais beaucoup d'amitié pour ton cousin, une amitié d'enfant, reconnaissant des cadeaux qu'on lui fait et de la complaisance qu'on met à se prêter à ses jeux. Est-ce cela ? Georges était très bon pour moi. Toutes les fois qu'il revenait en vacances, il arrivait les mains pleines, et pendant tout le temps qu'il restait à la maison, bien qu'il fût un vrai monsieur avec de la barbe et des cravates blanches, il ne me trouvait pas trop petite fille pour causer sérieusement avec moi, de même qu'il ne se trouvait pas trop grave pour jouer quand j'aimais mieux jouer. C'est bien cela, et dans ces conditions, il était peu utile de te consulter. Mais moi, j'avais âge de raison, et je dus intervenir en ton nom et au mien. Tu as assez vécu avec ta mère et moi pour remarquer qu'habituellement je ne la contrariais pas dans ce qu'elle décidait, et qu'à vrai dire même je la laissais diriger toute chose comme elle l'entendait. C'est en effet, je crois, le meilleur parti pour l'homme qui a une femme de volonté et de caractère, et ta mère était cette femme. Mais, dans une circonstance aussi sérieuse qui devait décider de ta vie, faire ton bonheur ou ton malheur, mon devoir exigeait que je ne restasse point enfermée dans ce rôle de mari débonnaire, et je fis mon devoir. Après avoir représenté à ta mère les dangers que je trouvais dans la voie où elle voulait pousser son neveu, je lui déclarai que je mettais à l'acceptation de ce projet de mariage une condition suspensive, c'est-à-dire que je voulais quelques années d'expérience qui me permissent de juger Georges et de voir comment il soutiendrait les luttes de la vie qu'on lui faisait entreprendre. Il avait 24 ans. J'exigeais 6 ans d'attente, ce qui remettait ma décision au moment où tu approchais de ta 20e année. Ce moment va bientôt arriver, il nous faut donc examiner ce qu'a fait Georges pendant ce temps d'épreuve. Fin de la section 3.